Le renard, le singe et les animaux. Fable numéro 6 du livre 6e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le renard, le singe et les animaux. Les animaux, au décès d'un lion, en sont vivants princes de la contrée, pour faire un roi s'assemblèrent, dit-on. De son étui la couronne est tirée. Dans une chartre un dragon la gardait. Il se trouva que, sur tous essayés, à part un d'eux, elle ne convenait. Plusieurs avaient la tête trop menue, aucun trop grosse, aucun même cornu. Le singe aussi fit des preuves en riant, et, par plaisir, la tiare essayant, il fit autour force grimacerie, tour de souplesse et mille singeries, passa dedans ainsi qu'en un cerceau. Aux animaux cela sembla si beau qu'il fut élu. Chacun lui fit hommage. Le renard seul regretta son suffrage, sans toutefois montrer son sentiment. Quand il eut fait son petit compliment, il dit au roi, « Je sais, sire, une cache, et ne crois pas qu'autre que moi la sache. Or, tout trésor, par droit de royauté, appartient, sire, à votre majesté. » Le nouveau roi bâille après la finance, lui-même y court pour n'être pas trompé. C'était un piège. Il y fut attrapé. Le renard dit, au nom de l'assistance, « Prétendrais-tu nous gouverner encore, ne sachant pas te conduire toi-même? » Il fut démis et l'on tomba d'accord. Qu'à peu de gens convient le diadème. Fin de « Le renard, le singe et les animaux » Fable numéro 6, livre 6e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.